L'intellect humain, c'est une machine à penser. Puis cette machine-là, elle a du fuel, du pétrole. Et les pétroles, ce sont les pensées qui flattent. L'homme ne peut pas penser avec ses propres pensées. Il pense tout avec les pensées qui flattent, finalement. Mais à un moment donné, l'homme doit être obligé de se libérer de ce mécanisme-là pour ne plus penser les pensées qui flottent dans le monde. Et à ce moment-là, l'homme établit une nouvelle règle de jeu. C'est le nouveau cycle. Non, je pense donc je suis. Une autre erreur de la philosophie. Puis tout le monde y croit, puis tout le monde en parle dans les salons. Je pense donc je suis. Quand tu es capable de dire je pense donc je suis, tu es philosophe. Pensez-vous qu'il faut penser, pour être? Ça fait partie de l'étape du développement de la psychologie. Mécanisme de l'homme. Ça fait partie de l'étape où l'homme devait affirmer que sa pensée était essentielle à son évolution. C'est ça le « je pense donc je suis ». Voulez-vous de philosophie, psychologie ancienne, vous allez finir à avoir de la traite mentale. Pas la nouvelle. Pardon? Pas la nouvelle est en évolution. La nouvelle psychologie n'appartient pas à l'homme. C'est une manifestation de l'homme. Ça n'appartient pas. C'est vibratoire. Tu ne vas pas montrer un vieux singe comment faire des... comment c'est vibratoire? Des grimaces. L'énergie, elle vient d'en haut. Elle passe par le mental de l'homme, elle est déformée parce que le mental n'est pas encore délié, séparé des émotions. C'est ce qui donne la psychologie. Mais l'énergie vient d'en haut. C'est pour ça qu'on dit toujours, il y a toujours un penseur derrière le penseur, mais l'homme ne le sait pas. Et à cause de ses émotions, puis de son mental, il se vient éventuellement qu'il y a tout. Quand l'homme sera conscient de ça, l'énergie viendra d'en haut, elle passera. Et ce qu'elle fera entendre sera ce que l'homme devra entendre. C'est ça. Il faudra bien entendre, sinon? Non, parce que ça fait partie de l'ego. Si eux autres vous disent, ça marche de même, telle chose, ça marche de même, telle chose, ils vont te le montrer que ça marche de même. Ils vont vous le prouver aussi. Ils vont vous le prouver s'ils veulent. Jusqu'à temps que votre ego cesse d'avoir besoin de preuves. Puis tant que votre ego va avoir besoin de preuves, ils ne vous prouveront rien parce qu'ils vont vous faire subir la situation jusqu'à temps que l'ego se change. Et ensuite, c'est complètement dans... centrique. Pas égocentrique, centrique. Ils font partie de nous comme on fait partie des autres. On a pris de la conscience de ça, on va retrouver. Puis on ne peut pas l'empêcher, on va retrouver. C'est-à-dire que quand on est centré, on est plus totalement libre. Non. L'ego qui va être libre. Pensez-vous que vous êtes libre, vous? Non, je suis pas un méchant païen. Vous ne l'êtes pas, mais vous croyez l'être. J'ai cette conscience-là. C'est savoir que je ne dévie pas, mais j'aime penser que je suis. Ah, que vous aimez penser que vous l'êtes. Là, c'est une autre chose. Vous avez pensé que vous l'êtes, ça c'est correct, ça c'est normal. Hein? C'est normal. Mais, profondément, on sait que vous êtes intuition. C'est votre intuition. C'est votre intuition. Puis un jour, vous allez réaliser que vous ne l'êtes pas, mais que vous l'êtes à un autre niveau. La liberté interprétée philosophiquement ou psychologiquement aujourd'hui n'est pas la même liberté connue dans l'autre temps. Moi, avant le contact, je pensais que j'étais allé aussi. Ensuite, ils m'ont mis la patte dessus, là, je m'étais aperçu que j'étais pas libre pantoute. Puis quand ils ont rebalancé les gars, là, je me suis aperçu que j'étais libre, mais dans, d'une autre façon, que j'aurais pas pu comprendre avant. C'est ça, la psychologie. Parce que les gens parlent d'unité, puis d'unité avec le cosmos, puis l'unité spirituelle, puis l'égalité des âmes. Mais comment pouvez-vous parler de quelque chose si vous savez pas qu'est-ce que c'est? Il l'intuit. C'est la base de tout le développement de la pensée humaine. L'intuition. Mais l'intuition n'est jamais parfaite. Pourquoi? Parce que l'homme pense. Une fois que l'homme pense plus, il n'y a plus besoin d'intuition. Mais une question de divinité spirituelle ou cosmique, c'est pas une question de pensée, c'est une question d'imagination. C'est une question d'intuition. Ils ont raison, les gens pensent qu'ils sont. Ils ont entièrement raison, mais ils ne peuvent pas le vivre. Mais ils ne peuvent pas le vivre. Quand vous le vibrez, vous l'êtes. Quand vous le vibrez, vous l'êtes. Puis quand vous l'êtes, il y a des changements vibratoires qui vous amènent à un plus haut niveau de réalisation. Ça, c'est vibratoire. Alors, les intuitions, heureusement que l'homme en a. Des grands hommes en ont. C'est l'intuition. Une intuition, c'est le début de cette conscience. Pas la fin. C'est le début. C'est le petit ruisseau qui essaie de passer à travers. Ceux qui n'ont pas. Puis quand ils n'ont un petit peu, ça conflit avec l'ego. C'est ça qui vous amène à rechercher, à rechercher, à rechercher, à rechercher, à rechercher, à développer, à développer, à développer. Si vous n'avez pas d'intuition, ça ne fera pas. C'est la petite chose en dedans qui fait chercher. La sensibilité intérieure qui fait chercher. Il y a un stage dans la conscientisation de l'ego, où l'ego doit apprendre à réaliser que discuter, c'est une perte d'énergie. C'est totalement une perte d'énergie. Parce que quand on discute, qu'est-ce qui se passe? Quand on discute, on parle à travers ce que l'on voit, on parle de ce que l'on sent, et on interprète ce que l'on sait. On interprète ce que l'on sent. On ne sait pas. Tu peux pas penser et savoir. Même quand tu as d'intuition, tu sais pas. Tu sens, tu sais. Avoir d'intuition, c'est sentir qu'on sait. C'est pas savoir. Parce que si l'intuition, c'était savoir, il y aurait beaucoup de gens qui sauraient. Mais on sent qu'on sait. Mais c'est déjà quelque chose. Mamzelle n'a pas d'affaire à se taire. Mamzelle, elle parle, puis elle a raison de parler, puis elle est venue ici de parler, puis elle va parler. Mais j'ai, tant que je n'ai pas fini de faire ce que j'ai à faire. C'est bon, là. Non. Il n'y a pas un de vous autres qui peut se permettre de penser qu'un autre diminue les vibrations. Les vibrations de la salle ne sont pas diminuées. C'est moi qui ai essayé les vibrations de la salle. C'est pas vous autres. C'est moi qui ai essayé. Moi, quand je descends mes vibrations, toutes les vibrations tombent. Tous les gens dans la salle, que ce soit les questions les plus niaiseuses ou les plus intellectuelles, doivent toutes être manifestées. Tous les gens. Parce qu'il y en a parmi nous, ce n'est pas des cadeaux. Ceux qui ne sont pas des cadeaux sont des cadeaux. On est ici pour apprendre quelque chose. On est ici pour développer quelque chose. On est ici pour comprendre les limites de la psychologie de l'homme. On n'est pas ici pour juger de la validité de ce qu'un homme ou d'une femme dit. Sans ça, ça devient forum. Pas des forums. D'ailleurs, qu'elles disent n'importe quoi, ça ne change rien. Parce que tout ce que vous dites, je vais tout vous le dire. Mais c'est important qu'elles disent, parce qu'elles le sentent. Alors, ça permet de jeter de la lumière dans ce genre d'esprit-là. Comme on peut jeter de la lumière dans un genre d'autre esprit. Sans ça, ce que je ferais des choix. Je prendrais des gens comme elle, des intellectuels comme elle, puis je ferais un groupe avec eux autres. Je prendrais des gens plus simples comme d'autres, puis je ferais un gros groupe, puis je prendrais d'autres, puis je ferais un autre groupe. J'en veux pas de groupe. C'est vibratoire, ça même. Alors, ce qu'une personne comme ça peut apporter dans une atmosphère la même, c'est nécessaire parce que je l'amène à un niveau de vibration qui permet de comprendre des mécanismes. C'est essentiel. D'abord, la personne qui est importante, c'est pas vous autres, c'est moi. Je parle. Vous allez comprendre une chose un jour, que quand vous êtes conscientisé, vous pouvez parler de n'importe quoi, puis automatiquement, n'importe quoi devient intéressant et important. Puis si vous n'êtes pas capable d'amener votre vibration à ça, c'est parce que vous manquez d'objectivité. Si votre esprit n'est pas capable d'aller chercher dans n'importe quel domaine de l'esprit de l'homme quelque chose qui est vibratoire, automatiquement, votre objectivité doit être agrandie. Ça, c'est comme... Ah, lui, c'est un casse de pied. Là, c'est parce qu'il a changé, là. Il commence à comprendre l'affaire. Puis autant il est cassé de pied, autant lui sert à toute votre transformation. Fait que si vous arrivez avec des questions niaiseuses, qui sont pas niaiseuses, mais des questions qui vous cassent les pieds à vous autres, vous avez, vous devenez impatient, ça travaille en dedans, c'est parce que vos corps sont pas ajustés. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui peut pas se permettre de parler et qui peut pas retenir d'une autre personne une vibration quelconque. Si vous êtes dans cette vibration-là, c'est parce que vos corps ne sont pas ajustés. Ils vont être ajustés éventuellement. Il faudra que je m'occupe d'un des intellectuels. Moi, ils pensent tout. Mon travail, c'est de mettre en confrontation mon esprit avec votre esprit pour amener votre esprit à voir des choses qui sont difficiles à voir parce que votre esprit n'est pas encore sous la vibration totale de l'âme. Quand votre esprit sera sous la vibration totale de l'âme, à ce moment-là, mon travail sera fini. Puis vous autres, entre vous autres, que vous soyez intellectuel ou pas intellectuel, vous serez en harmonie totale. C'est très difficile à l'ego de voir les jeux de l'ego. Parce que l'ego, c'est une composition de pensées subjectives, personnelles. C'est fondé sur une émotion très puissante. Et c'est la domination même de l'énergie qui pénètre dans l'âme. C'est pour ça que la transmutation des corps qui se fait au cours des mois, puis des années, amène l'ego éventuellement à être totalement en harmonie avec cette énergie-là. Et l'ego éventuellement vit et une expression de la nouvelle psychologie. Qui est une psychologie totalement personnelle, mais à la fois totalement universelle. Les points qu'on peut amener en relief dans des conversations de groupe comme ça. Tous les points sont essentiels. Tous les points sont importants. Parce que tous les points font partie de la psychologie subjective humaine, de l'ancienne psychologie. Il n'y a pas un point. Je peux prendre monsieur là, je peux prendre lui, je peux prendre n'importe qui dans la salle, puis prendre vos personnalités, puis les décortiquer vos personnalités, puis vous montrer les aspects de votre psychologie, puis ça servira toujours à un autre ego. Parce que les égos sont faits de la même matière, sont faits d'émotions et de pensées. Votre moi, il est fait d'émotions et de pensées. Fait que vous pouvez toujours apprendre d'une autre personne. Puis quand vous pensez que vous ne pouvez pas apprendre d'une autre personne, c'est à ce moment-là que vous serez arrivé à la limite de votre sensibilité vibratoire. Puis si vous êtes pour aller plus loin dans l'évolution de votre propre conscience, cette limite-là sera dépassée. Elle devra être dépassée. Parler d'égalité entre les hommes. Je vous définis les illusions de l'égalité psychologique ou philosophique entre les hommes pour vous faire comprendre que les hommes seront égaux quand les hommes seront universels. Mais l'homme doit être universel avant d'être égal. Si vous n'êtes pas universel encore, cherchez au moins, sur le plan de votre ancienne psychologie, de donner le droit d'égalité aux hommes qui sont parmi vous autres. On est infecté à des... Puis ça devient des nuances. Pour vous, vous ne voyez même pas. Vous pouvez avoir des bons sentiments, des fois, puis ça fait partie de votre ancienne psychologie. Ça vous retarde dans votre évolution. Même si vous avez des bons sentiments, on ne le voit même pas. Le jeu de l'ego, on ne le voit pas. L'ego, c'est une putain. Puis on ne le voit pas. On pense qu'on le voit. On ne le voit pas. Puis on attend 2 mois, puis 6 mois, puis là, on s'aperçoit que... Ouais, on ne l'avait pas vu. Puis on ne l'avait pas vu. Arrêtez de vous prendre pour d'autres. Dans mon travail, je me confronte à vos esprits. Constamment, constamment, constamment. Je me confronte à vos esprits pour faire réagir vos esprits, pour vous amener à voir ce que vous pouvez pas voir tout de suite. C'est dans le temps que vous allez le voir. Puis en attendant, si vous ne le voyez pas, il n'y a rien là. Mais je vous garantis qu'un jour, vous allez le voir. Pourquoi est-ce que vous pensez que je vous ai toujours dit « Croyez-moi pas quand je vous parle. » C'est pour empêcher que votre ancienne psychologie devienne pour vous autres une façon de voir les choses. Parce qu'il ne s'agit plus de discuter si j'ai raison ou si j'ai pas raison. C'est pas de vos affaires si j'ai raison. C'est de mes affaires à moi. Si un jour vous voyez que j'ai raison, ben c'est parce que vous verrez la même chose que je vois moi. Fait qu'à ce moment-là, vous serez bien en votre peau. Ceux qui ont été. Ceux qui, pour des raisons de vie, le plan de vie, ont une intelligence plus développée, ont appris plus de choses, ont manipulé plus d'idées. Tant mieux! Mais apprenez à comprendre que les idées que vous avez manipulées ne sont pas les vôtres. Ce sont des idées qui flottent dans la société. Souvent, il y en a de ces idées-là qui coïncident avec votre intuition. Ils ne sont jamais totalement épurées parce que ce sont des idées qui ne sont pas universelles, mais qui tendent vers l'universalité de l'homme. Mais à un certain moment, il faut que vous les compreniez, ces idées-là, d'une façon parfaite. Ce n'est pas en pensant à ces idées-là que vous allez comprendre. C'est intérieurement que vous allez comprendre. Vous allez savoir que c'est ça. Puis à ce moment-là, que les idées changent encore, ça ne vous affectera pas. Ce que je reproche à l'intelligence humaine, puis j'ai rien contre l'intelligence humaine parce que je trouve ça fantastique. Moi, j'ai bien plus de fun. De fun. À parler avec du monde qui peuvent parler qu'avec du monde qui ne parle pas, qui m'écoute. Malgré que je perds moins d'énergie avec des gens qui m'écoutent. Il y a deux aspects dans ma vie personnelle. Avec des gens qui ont de la jasette, mais j'ai du fun parce que ça marche. Mais ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que les idées qu'ils ont ne sont pas leurs idées. Ce ne sont pas pures, ces idées-là. Quand ça sera pur, quand il y aura une connexion avec en haut, en bas, à ce moment-là, ces gens-là auront cessé d'être obligés de discuter, puis discuter. En attendant, c'est le fun. Mais d'un autre côté, on doit apprendre, puis on le réalise d'ailleurs par l'expérience, que c'est une perte d'énergie. Discuter quoi? Il n'y a rien à discuter. Moi, ça s'adonne, là, parce que c'est là, je suis dans le centre de la pièce, c'est moi qui jase, parce que c'est moi qui ai la plus grande gueule. S'il avait une plus grande gueule que moi, c'est lui qui ferait des jasettes aujourd'hui, moi, je serais dans son garage. Ça donne que c'est moi qui ai la plus grande gueule. Fait que j'ai la prérogative de jaser. Mais il va venir un jour que je jaserai plus. Mais pas avant que les gens aient compris ce que je veux dire. Je ne vais pas vous gâcher. Parce que ce que je sais, ou la façon que je vois les choses, c'est pas de vos affaires. C'est de mes affaires. Ça fait partie de ma vie à moi, pas vous autres. J'essaie d'amener vos esprits à être en fréquence vibratoire avec le mien. Mais je suis obligé de nettoyer, nettoyer, nettoyer, nettoyer, nettoyer. Là, ça commence. Puis après ça, votre intellect, si vous l'avez, là, il va y réajuster une autre vibration. Là, c'est le fun. Si vous travaillez en société avec votre grande intelligence, là, c'est créatif. Mais encore, vous allez être amené par vibration à sortir éventuellement de la société. Tous les hommes qui seront dans la nouvelle psychologie seront forcés éventuellement à sortir de la nouvelle psychologie. La nouvelle société. L'ancienne société. Pas de choix. Vous n'avez pas de choix. Parce que vous ne pourrez plus parler avec personne. Là, vous avez bien du monde au bureau, dans les écoles, à qui vous pouvez jaser vos idées, parce que ça fait partie des idées de tout le monde. Le dernier livre qui est écrit, le dernier écrit en littérature. Pour venir un jour, le dernier écrit en littérature, vous allez l'avoir loin. Avec qui vous avez parlé en ce temps-là? Quand je parle dans ce temps-là, je parle en 5 ans, en 10 ans. Avec qui vous avez parlé? Vous aurez plus l'énergie d'avoir des grandes discussions philosophiques dans les écoles. Moi, j'en connais des grands profs. J'en connais à Montréal. Un couple de grands profs. Des grands amis de Jean-Paul Sartre. Ils mangeaient du Sartre. Ils mangeaient pas, ils mangeaient du Sartre. Elle pouvait citer Sartre d'un bout à l'autre. Les mots de Sartre, elle connaissait par cœur. Là, ouais, aujourd'hui. Elle respecte encore Sartre. Elle respecte son intelligence. Elle aime ça regarder ses livres. Mais elle regarde avec un, télescope ses livres. Pourquoi? Parce qu'elle voit à travers l'illusion de la forme des mots de Sartre. La belle structure sémantique de Sartre. Quand ça passe par son, quand ça passe par son esprit aujourd'hui, il reste plus rien, Seigneur aussi. Pourtant, il y avait de ça dans ce temps-là. Quand on se rencontrait, ça... Je vous le dis, on est des ignorants sur la terre. On est des idiots. Puis on se pense intelligent. Puis on a raison de se penser intelligent, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. On est aveuglé par nous autres mêmes. C'est normal. On va pas le dire à un cas qu'il y a deux doctorats qui n'est pas intelligent, il va te cracher dans la face. Mais change tes vibrations, par exemple, tu vois qu'il va te donner après. Il va souffrir un mot 10 bouts dans le chemin, par exemple. Bernard, je peux te demander quelque chose à ce sujet-là. On est dans une évolution en ce moment. Est-ce que c'est la première, peut-être pas la première fois qu'un message comme ça nous est lancé? On a une chance en ce moment de comprendre qu'est-ce qui se passe côté cosmique. C'est juste une forme, là. Il y a déjà eu des messages de cette forme-là qui se sont présentés avant. Il y en a toujours eu des messages. Il y en a eu des messages depuis bien longtemps. Seulement que les messages avant étaient toujours axés sur le développement de la spiritualité. Ça faisait partie de la phase où l'homme devait agrandir son champ de vision spirituelle pour éventuellement en arriver à la conscience pure. C'est une phase. La phase qui commence maintenant, c'est la phase de l'intelligence. Puis la phase de la spiritualité, c'est la phase de l'intelligence. Où l'intelligence et le discernement de l'homme doivent être capables de regarder dans tous les aspects de l'expérience humaine. Tous les aspects. Et briser toutes les formes qui existent qui retardent son évolution supplémentaire, qui l'amènent à la conscience pure. Ah, effectivement, il y a eu des messages, il y a eu beaucoup de messages. Seulement, le cycle qui vient commence avec l'imposition sur la planète d'une vibration qui nécessite, par sa présence, la destruction des formes. Ah, ceux qui vont vivre cette vibration-là sont obligés de passer par la phase de la destruction de la forme, qui les amène à la conscience pure, qui les amène à voir qu'est-ce que c'est la spiritualité. Je parle, moi, je gueule, de la façon que je parle. Des fois, les gens pensent que ce qui était avant, c'était pas bon. C'est pas ça que je veux dire. D'ailleurs, je vous l'ai dit assez souvent. C'est pas que c'était pas bon. Comme quand je parle de l'Église catholique devant la télévision. Mais tout ce qui est venu avant était nécessaire. Mais c'est un nouveau cycle. C'est ça que les gens ont de la misère à comprendre. C'est un saut. C'est un quantum jump. C'est un nouveau cycle. Puis tout ce qui est venu avant dans l'évolution qui était essentiel, qui était grand ou qui était pas grand, mais qui était essentiel. Aujourd'hui, ça s'en va dans une autre direction. C'est une nouvelle conscience. L'homme ne peut plus voir les choses comme il voyait avant, parce que l'homme est obligé maintenant de voir les choses à travers ses propres yeux intérieurs. Il ne peut plus voir les choses à travers les yeux des gens extérieurs. Sans ça, ça finirait plus. On vivrait des maîtres. Il faut que l'homme en arrive un jour à être totalement lui-même autonome, libre, son propre maître, travailler à ce moment-là avec d'autres maîtres. Quand tu as toute une civilisation de maîtres, là, il se passe quelque chose dans le monde. Mais quand tu as une civilisation de brebis et de chameaux, il se passe rien. C'est ça la différence. Alors, pour que s'impose sur une planète une psychologie neuve, dans ce sens, une science de l'âme, de l'ego et de la personnalité, ça nécessite une destruction des formes. Et la destruction des formes est vécue chez les individus, ça augmente le champ vibratoire de leur corps. Puis éventuellement, ils en arrivent à comprendre ça par eux-mêmes. Parce qu'ils le savent, c'est interne. Mais c'est bloqué, puis c'est bloqué, puis c'est bloqué, puis c'est bloqué. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le débloque. On n'a pas de choix. C'est ça la différence. Moi, je voulais te demander, les champs éthériques qui existent sur la Terre en ce moment, est-ce que ce sont des champs qui amènent vers une certaine compréhension de ce qui nous arrive dans l'avenir pour les gens qui sont prêts à l'absorber? Oui. Les champs éthériques sur la Terre, présentement, sont ajustés à une vibration qui permettra à un certain nombre d'individus sur la planète de vivre au niveau du mental. Mais, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui, dans différents pays, qui vivent au niveau du mental, mais qui n'ont pas un point d'appui pour leur mental. Mais toi, tu es un exemple. Toi, tu vis au niveau de ton mental depuis des années, tu sens des choses depuis des années, tu sais des choses depuis des années, mais à un certain moment, il faut que quelqu'un en arrive, vienne et te dise, te confirme que tu as raison. T'as raison. Pour éliminer les voiles de l'ego qui t'empêcheraient de voir complètement que ce que tu sens, c'est ça. Parce que l'ego par lui-même est incapable, s'il n'est pas supporté par les forces universelles, il est incapable de se sortir totalement de l'eau. Il va toujours rester un petit peu accroché dans l'eau. Mais les égos n'ont pas tous la capacité de vivre ça. C'est une souffrance terrible, subir le choc vibratoire de ces forces-là. Alors, il y a un égo quelque part qui l'a capacité. Une fois que lui passe à travers, à ce moment-là, son expérience sert aux autres, puis les autres ça sort. Ça a toujours été l'histoire dedans. C'est plein de gens qui savent, puis qui sentent, puis qui perçoivent. C'est comme, ça fait 20 ans qu'il est dans cette gamute-là. Puis qui sait, puis qui sent, puis qui voit. Mais à un certain moment, quand je l'ai rencontré, j'ai été obligé de dire, t'as raison, mais. C'est comme quand je disais, t'as raison, mais un jour, ton pouvoir d'aller en astral, il faut qu'il soit totalement éliminé. 3 mois après, là, ça commence à être éliminé. Mais si je n'avais pas dit à lui, c'est normal que ton pouvoir astral soit diminué, mais ça serait posé des questions. Alors, l'ego, automatiquement, quel que soit son niveau de perception de ces énergies-là qui sont dans l'éther, à un certain moment, il doit être rallié vibratoirement à un autre ego, mais qui est fusionné. Un ego qui est fusionné, c'est un ego qui est prêt à penser. Alors, un ego qui est prêt à penser, il se fout de ce qu'il sait, parce qu'il n'est pas intéressé à ce qu'il sait. Il devient un haut-parleur. Fait que moi, je suis un haut-parleur. Alors, l'haut-parleur, il peut parler dans toutes les directions, 360 degrés nord-sud, 360 degrés est-ouest. Fait que tous les égos qui sont un petit peu accrochés dans l'eau, mais qui sentent, puis qui sentent qu'ils savent, mais qui sont pas sûrs qu'ils savent, puis qui sont pas sûrs d'être certains de ce qu'ils savent, à ce moment-là, réalise qu'il est à sa bonne traque. Une fois que les égos réalisent qu'il est à sa bonne traque, l'autre gars qui était là, pour leur donner cette vibration-là, il peut sacrer son camp, puis sont à la bonne traque pour tout le temps. Alors, c'est ça l'histoire. Quand on sait qu'on est sur la bonne traque, préférablement? L'affaire de Stair, c'est toujours en relation avec notre émotion et notre mental. C'est une affaire d'équilibre entre le mental et l'émotionnel. C'est interne, ça, Stair. Quand il n'y a plus d'émotion, là, je sais pas quand c'est trop là. Quand il n'y a plus d'émotion, tu fermes ta gueule et t'écoutes. T'as rien à dire. Mais quand les gens te posent des questions... Tu parles. Ça, je voulais savoir. Mais là, est-ce que t'es devenu centré, Bernard, tu parles de quoi? Quand t'es devenu centré, tu parles de quoi? Tu parles de ce que tu veux. Tu parles de ce qui te passe. Ça dépend de tes relations. Je parle... Si j'étais avec lui, là, je vais parler d'une chose, puis j'étais avec elle, je vais parler d'autre chose, puis j'étais avec elle, je vais parler d'autre chose, puis j'étais avec vous, je vais parler d'autre chose. Quand t'es entré, tu parles de n'importe quoi. Mais t'es pas intéressé personnellement à parler de quoi que ce soit. Mais t'as le plaisir de parler de n'importe quoi. Lui, il est en astrologie. Ben, il va parler d'astrologie. Toi, il va parler des avions à réaction. Mais s'il y a un gars qui est type, qui est spécialiste des avions à réaction, on va parler de ça. Tu parles de n'importe quoi. Quelles sont les deux planètes qui doivent rentrer dans notre conjoncture psy 84 qui doivent nous inclure dans l'énormément? Mercure-Jupiter. Ils ont un rôle à jouer avec notre conjoncture futures révolution pour laquelle on se prépare en ce moment. Mercure-Jupiter. Est-ce que la comète Halley va nous donner un jeu pour jouer? La comète Halley, on va vous expliquer ce que c'est la comète Halley. La comète Halley, c'est un corps spirituel qui contient les anciennes mémoires d'humanité. Puis quand cette comète-là passe dans notre éther, elle nous bouleverse tout. Parce qu'elle contient une ancienne mémoire d'humanité. Puis cette mémoire-là doit être éventuellement détruite. La comète Halley sera détruite éventuellement, mais là, elle n'est pas détruite parce qu'elle est contrôlée par des forces qui retardent l'évolution. Mais est-ce qu'elle va pas venir nous déranger prochainement? Ben, elle va déranger bien du monde. Ben oui, c'est ce qu'on sait. Est-ce que c'est ce qui va arriver justement les 4 jours qui sont annoncés dans l'Apocalypse que les gens vont avoir à vivre des expériences? Pas de prophétie, je ne fais pas de prophétie. Non, mais sérieusement, est-ce que c'est les 4 jours sérieusement qui annoncent dans ça, là, que les gens vont avoir à vivre des expériences presque pas supportables? Expérience du tout noir. Je ne vais pas répondre à votre question, je vais parler de votre question. Quand ça va venir, ce temps-là, ce qui va se produire, c'est 4 jours de noirceur, ça veut dire que des gens vont craquer net. La noirceur, elle va être dans l'esprit. Pas le soleil qui va manquer. Ça va être dans l'esprit, la noirceur, puis les gens ne pourront plus voir rien. Les gens vont craquer par en dedans, parce que les gens n'auront plus de centricité, n'auront plus de point de référence. Il n'y aura plus rien à l'extérieur qui va suffire à l'ancienne psychologie. Les gens vont craquer, les gens vont voir se mourir, puis les gens ne pourront pas mourir. Tout le sait. C'est intérieur des 4 jours de noirceur. Le négatif va passer. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir un transfert entre le négatif et le positif. L'humanité va vivre. Ceux qui vont vouloir rester accrochés au passé, c'est là qu'ils vont s'accrocher. C'est pas qu'ils vont vouloir rester accrochés au passé, c'est qu'ils ne pourront pas faire autrement. Il n'y a pas un homme qui va être dans la niaiserie, il n'y a pas un homme qui va être ignorant. Les hommes sont ignorants parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas assez évolués pour pouvoir sortir de cette ignorance-là. C'est évolutif, ça, c'est pas une affaire de mérite. C'est toujours la même chose dans toutes les humanités. Quand il y a eu des initiés qui sont venus dans les humanités, quand le gars passe, il y a toujours un petit nombre qui voit clair. L'humanité en général ne voit jamais clair. Ça, c'est l'histoire de l'homme. On le dit souvent, tu n'es jamais prophète dans ton pays, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'ego ne peut pas voir. Pensez-vous que les initiés vont se promener avec des cartes dans la rue et annoncer ça s'annoncer à la télévision? Viens voir chez nous à telle adresse, j'étais un initié. Bien. D'abord, les initiés vont toujours chercher ceux avec lesquels ils travaillent. C'est pas le contraire. Ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que tout ce qu'on pense, puis tout ce qu'on croit être ça, c'est pas ça pantoute. Mais on sait que l'homme ne peut pas faire autrement, parce que l'homme est conditionné par son ego, il est conditionné par sa pensée, il est conditionné par ses émotions. Mais il y a des hommes qui sont plus évolués que d'autres, qui peuvent percevoir quelque chose, ce sont ces gens-là qui avancent dans différentes nations. Ben, à un certain moment, quand tu vas quand le cycle va finir, puis qu'il va y avoir un autre, qu'il y aura d'autres forces qui prendront le contrôle d'évolution. L'humanité elle-même va passer par des chocs terribles. C'est ça qu'il parle dans la Bible. Dans les textes. Ah, c'est ça la préparation. C'est pour ça que je vous parle de l'ancienne psychologie et de la nouvelle psychologie. Quand l'homme aura la nouvelle psychologie, que ces événements-là viendront, l'homme passera à travers de ça comme un couteau dans le beurre. Tu peux pas friquer, là. Capoter. Il y a du monde, il neige dehors, puis il capote. Hé, hey, ça me lève. Elle a toutes les bottines de ski. La moindre chose dans leur vie, capote. S'ils vont faire de l'heure, ils vont fondre. Sois-tu trop fort? Il faut les affaires, il y a de la bombe. En attendant, Bernard, je suis un psychologue déformé, je travaille dans une école. Les gens au plan cosmique, j'en sais assez pour dire que c'est vrai que ça existe. J'en sais pas assez pour dire que je me sens débile là-dedans. Tu sens quoi? Au plan de connaissance, de science cosmique, de l'énergie, j'en sais assez pour dire que c'est vrai que c'est là. Je ne me sens pas assez avancé dans ça pour dire que je suis bien loin. Là. Je me sens débile là, au plan à ce niveau-là. Tu fais ce que tu fais. Occupe-toi pas de la science cosmique. Occupe-toi pas de ce que si t'es bien loin, si t'es pas bien loin. Pensez pas en termes de science cosmique. C'est plein de monde à Québec qui sont dans les sciences cosmiques, qui ont des esprits gros comme des moineaux. Laisse faire. C'est la fusion, c'est le. c'est la fusion, c'est le développement vibratoire de tes corps qui va te permettre un jour, si tu rencontres quelqu'un qui est dans les sciences cosmiques ou celle qui s'intéresse à ça, que ça va passer à travers. Tu deviens un canal. Il faut devenir un canal. Tu deviens un canal. Dans ta profession de psychologue, ça te permet de voir, aujourd'hui, à cause de ton évolution, ça te permet de voir la relativité entre une psychologie que j'appelle la psychologie déformée, la psychologie de l'ego, qui cherche toujours à se développer, puis à se développer, puis à trouver des points d'appui dans une consistance théorique quelconque, et la psychologie interne. Tu peux pas arriver d'une école, si tu es psychologue, puis commencer à appliquer la psychologie intérieure à ta psychologie, ils vont te foutre à la porte. Ils comprendront rien. Mais tu peux prendre ta psychologie, le vieux corps, puis l'infuser d'un corps nouveau, d'une force nouvelle. C'est à ce moment-là que, en tant que psychologue, tu peux aider des gens. Je vais te donner un exemple. Je te donne un exemple parce que les exemples, c'est plus facile. Supposons que tu travailles en de Dieu. Il y a un gars qui rentre qui est capoté. Puis il dit, j'entends une voix dans ma tête. Mais tu sais ce qu'il veut dire, le gars. Tu sais que pour le gars, c'est réel. Tu sais que c'est pas une hallucination. Tu sais que c'est un contact avec un ego sur un autre plan, pis là. Fait que tu fais ton affaire, tu fais ta job. Puis de temps en temps, tu y parles. Comment est-ce qu'il s'appelle ton chum? Il va te dire. Marie-Louise. Ou Jean-Paul. Là, tu peux y parler, tu peux. Puis tu peux l'amener, ce gars-là, à couper le contact complètement. Éventuellement, les médecins vont sortir, c'est plus malade. Quand tu travailles avec une nouvelle psychologie, tu es obligé d'avoir du discernement. C'est là l'affaire du discernement. Parce que la nouvelle psychologie, c'est une psychologie qui est totalement révolutionnaire parce qu'elle détruit toutes les formes anciennes. Fait que tu es obligé d'avoir du discernement qui est une règle de mesure adéquate pour travailler dans un cadre, dans le cadre d'une psychologie ancienne. Sans ça, tu vas faire ta job, tu vas mettre ta carrière à terre. Puis il ne s'agit pas de mettre ta carrière à terre. Il s'agit de travailler dans ta carrière puis au moins de savoir que en dedans de ça, en dedans toi-même, il y a quelque chose qui te permet de comprendre ça. Puis plus être esclave de cette affaire-là, mais de la comprendre d'une façon qui est totalement nouvelle, qui est totalement personnelle à toi-même. Après ça, tu peux rencontrer un autre psychologue qui pense qu'il voit des choses semblables à toi. Puis là, c'est le fun. Puis si un jour vous êtes sans psychologue de même, je vous garantis que vous allez former une école. Ça, je veux dire. Mais au moins, vous allez avoir les reins forts. Ah, c'est la même chose que tu as dit, c'est que moment donné, tu peux même arriver à couper le contact. Tu peux couper ce contact-là. Vraiment? Finalement, tu peux couper le contact. Ça dépend de ta psychologie. Ça dépend comment est-ce que tu comprends toujours le mécanisme entre l'invisible et le matériel. Que tu comprends le mécanisme de la pensée. Que tu connais la psychologie de la pensée. C'est moi, là. Tu parles à eux autres à travers ces personnes-là comme tu te parles, comme on se parle nous autres. Mais il faut que toi-même, tu sois arrivé à un certain niveau de compréhension intérieure de ce que c'est cette affaire-là. Une fois que tu l'as, c'est facile. Moi, la personne avance, t'avances. C'est pas un cadeau d'être psychologue aujourd'hui, t'es psychiatre. Quand tu travailles dans un hôpital, t'as tous ces cas-là qui t'arrivent à gauche, de gauche puis de droite, l'oriforme. Deux maladies. Tu peux pas te s'évider. Mais si tu as du discernement, puis tu commences à te comprendre toi-même, à ce moment-là, tu peux travailler avec ces gens-là, puis tu peux comprendre, puis voir. Tu peux comprendre bien des choses, parce que tu vas parler beaucoup de choses. C'est en parlant que tu comprends beaucoup de choses. Là, c'est intéressant. C'est une étude. L'homme, c'est une étude constante. Aussitôt que tu parles avec un homme, tu apprends la chose. Mais il faut que tu puisses parler. Mais comment veux-tu savoir parler si ton mental inférieur n'est pas au moins en harmonie vibratoire avec ton mental supérieur, ou eux autres peuvent faire la connexion, parce qu'ils ne peuvent pas descendre plus bas que ça. Mais moi, c'est. Fait qu'à ce moment-là, tu es obligé de te servir de ton mental inférieur. Te servir de ton mental inférieur, c'est tes pensées. Fait que t'es pogné d'une psychologie, puis à une école, puis un ci, puis un ça. T'en sors pas. Tu vas discuter avec d'autres psychologues. Là. La discussion psychologique, la discussion politique, la discussion religieuse, la discussion. C'est tout la discussion. Il y a des gens qui discutent toute leur vie. T'arrives à quoi? Ils boivent du café, puis du vin, puis ils discutent. Ils se graissent l'esprit. Tu peux pas passer à discuter, il faut que tu parles. Puis si tu parles à quelqu'un, tu sais qu'il ne peut pas comprendre, tu laisses tomber, tu parles à quelqu'un qui sait comprendre. Sans ça, tu perds de l'énergie pour rien. C'est pour ça qu'éventuellement, vous ne pourrez pas parler à l'évangile. Vous allez trouver ça plat. Puis c'est déjà commencé. Je Comme lui, il y a un garage. J'ai dit, moi, je connais 6, 7, 800 personnes. Ils ont des chars. Ça pète un char. J'ai dit, donne-moi des 4. Donnez-moi des 4. Si quelqu'un que je connais, moi, qui est conscient, il dit, ton char, c'est pète, va-y. Va te rendre ton char. Au moins, tu sauras que le gars qui t'arrange ton char, c'est un gars conscient. Si tu charges 100$, ben, tu vas en avoir pour 100$ de service. C'est un plombier, c'est la même chose. J'ai besoin d'un plombier chez nous. Dans la société où on vit aujourd'hui, il m'a dit, viens ranger mes pites. Je sais que s'il me charge 25$, ça va être 25$ qu'il va me charger. Pas pour 5$, c'est le service. Puis il va venir un jour, ça va être comme ça. Puis il commence à le sentir, lui, parce qu'il travaille, puis il s'est rendu qu'il y a des clients d'extérieur. J'appelle ça du monde d'extérieur, puis du monde d'extérieur. J'ai dit, il y a du monde extérieur qui vient, puis il n'est même pas intéressé à servir. Quand c'est rendu, même, Charlie. Ouais, le médecin. Ouais, n'importe qui. Quand tu vas voir quelqu'un conscient, c'est plaisant. Comment que le gars te charge n'importe quoi? Tu sais ce qu'il te charge. Il est conscient. Là, tu as du plaisir. Moi, j'amène mon char chez eux, je relaxe. J'amène mon char chez Mercedes dans le bas de la ville, j'ai tension. J'ai dit, par exemple, j'ai dit, vous commencez à vous connaître, je commence pas à faire de la gaffe. Là, le déjà conscient, tu vas commencer à faire des faveurs. Tu fais une faveur à un, tu fais une faveur à l'autre. J'ai dit, ça, si tu vas faire, t'es erreur, puis tu vas payer pour. Le gars, il vient chez vous parce que t'es conscient, il vient pas chez vous parce que t'es fin. Quand tu fais du service pour 2 heures, tu y charges pour 2 heures, bonjour, il est content. Son cadeau, c'est dans le service rendu. Mais si tu commences à faire une faveur parce qu'il est conscient, après une autre faveur, il est conscient, tu vas être sur un chômage tout à l'heure, Charlie. C'est une illusion. Saint-Hubert. Ok, je vais laisser tomber un petit peu la psychologie. Des points que je voulais faire.